Micro. Micro ouvert. Les mots ont des... Oreilles. Ont des... Oreilles. Donc voilà, rencontre avec ce monsieur qui s'appelle... Denis Huvier. Voilà, c'est toi en fait l'initiateur de cette idée un peu folle, mais qui est géniale. Initiative, oui, mais c'est surtout le fait de voir des SDF qui restent sur le carreau, enfin sur le trottoir, pour mieux employer les termes, le soir parce qu'on met des lits d'urgence et puis on les retire parce que soi-disant c'est plus l'hiver. Et alors toute l'année c'est l'hiver pour moi, toute l'année il y a des gens sur le carreau et dont, il y en a marre de toujours dépendre du social, il faut une fois pour toutes qu'on trouve d'autres solutions et pourquoi pas être sur un terri et faire un projet alternatif. Le projet alternatif, foutre des tentes, c'est une idée parce qu'on n'a pas le choix. Dans l'urgence, on a des tentes, on met des tentes qui nous ont servi à une action en hiver. Et donc, mais mettre des tentes maintenant, c'est de dire aussi, on va faire un projet de vie, un éco-hameau, quoi. Hein. Je connais ça au Larzac, dans les Cévennes, avec les potes français. Et pourquoi ne pas risquer de dire, laissons les sans-abri vivre ensemble, puisqu'on les chasse de la ville, on les chasse de partout. Alors laissons-les prendre du repos, parce que c'est quelque chose qui est important. Puis apprenons-les à devenir indépendants, puisqu'on respecte toujours, ils dépendent du social, et en même temps ils ne veulent pas respecter les... Hein, on parle de droits et de devoirs, et pour finir, on ne sait pas c'est quoi les devoirs. Quand on est au social, c'est tu as du fric et tu dois vivre avec peu de fric et vivre. Hein, ceux qui décident ça, ils ont quand même le double ou le triple fric pour vivre. Et ils considèrent qu'on doit se débrouiller avec 50 euros pour une semaine, ou etc. Et donc, pourquoi ne pas imaginer un village alternatif avec des maisons de terre-paille ou des cabanes en bois, bien entendu, pas un bidonville parce que je suis contre le bidonville, avec des toilettes sèches parce qu'il faut respecter la nature, et pour moi c'est vraiment quelque chose de très important. Et aussi... avec, par exemple, de la phytoépuration, parce qu'il n'y a pas d'eau du tout sur le plateau. On est sur un terri, on n'a pas donc un terri, un plateau de terri, parce que les deux terris sont derrière nous. Et donc, pourquoi ne pas imaginer de faire des bassins, de récupérer l'eau de pluie, ce qui est faisable si on construit des maisons. Si on fait des petites maisons, genre chalet comme ça, mais isolé pour gagner pour la température, hein, pour la chaleur et tout. Économiser aussi de façon que si même si on doit mettre un petit chauffage, on ne doit pas utiliser plus qu'il ne faut de chauffage, hein, ça ne sert à rien. Et alors récupérer, par exemple, faire des toits de terre, hein, une bâche de terre, semer, on peut semer des fraises, on peut mettre d'un tas de trucs, hein, des trucs qu'on a besoin, tant que ce n'est pas des racines, hein, tant qu'il ne faut pas des carottes, hein, tant que c'est des trucs rampants, on peut semer ce qu'on veut, des petits pois. Bon, alors, imaginez de faire en sorte que la maison devienne aussi un élément de on a le garde-manger avec soi. Hein. Pourquoi ne pas imaginer de mettre des semences et de manger, parce qu'on n'a pas besoin de tout ce qu'on bouffe, hein, la viande et tout ça. Les semences, c'est suffisant. Hein. On fait une pièce noire, on en graine là, etc. Et on peut manger des germes de semences et c'est aussi nourrissant. Pourquoi ne pas imaginer de faire ça? Maintenant, il faut le lancer, il faut oser. Oui, j'ai pris l'excuse qu'on laisse les sans-abri sur le carreau. Il y a 14 ans, 15 ans que je travaille dans le monde des sans-abri. J'ai quand même fait le tour de la France. J'ai été rencontrer des gars qui vivaient en montagne, qui vivent autrement parce que la société telle qu'on essaye de l'imposer avec les moyens qu'on a, hein, je parle des précaires bien entendu, ben c'est pas notre société à nous. On ne peut pas vivre dans une ville avec tout ce qui nous le tape à l'œil, nos GSM, la télévision, enfin tout ce qui nous attire, et on n'a pas d'argent pour ça. Alors qu'est-ce qu'on fait? Le peu d'argent qu'on a, c'est pour payer cette société de gaspillage, etc. Et donc voilà, l'idée du Terry, c'est donc un, c'est quand même de trouver des solutions pour que des gars puissent dormir la nuit et pas dormir dans des tunnels, dans les garages, des sas, etc. Des logements privés qui emmerdent le monde pour finir. C'est bien de dire, ben voilà, un coin de liberté, un coin qui est un peu, c'est en ville, puisqu'on est au milieu d'un terri, là, on est à côté de Charleroi, on est à côté enfin, on est dans l'entité de Charleroi, et recréer une vie collective avec du partage ensemble. Tu veux te chauffer, ben, tu coupes le bois, tu veux manger, ben, tu donnes un coup de main pour préparer, etc. C'est une façon de s'autogérer. Parce qu'on respecte souvent en disant que les précaires n'arrêtent pas de demander au service social d'être aidés. Mais tout compte fait, c'est on les a rendus dépendants. Alors plus qu'on rendra les gens dépendants, et plus on aura des gens dans la précarité. Alors une fois pour toutes, arrêtons et disons, tentons l'expérience, le droit au jardin, le droit à la terre, le droit à la construction alternative, que ça soit une tente, un igloo, une yourte, une cabane de bois, mais le droit de vivre, parce qu'en ville on nous interdit le droit de vivre. Alors si on est SDF, on est chassé par la police, en réalité la police ne fait qu'obéir aux commerçants, hein, et quand c'est pas ça, c'est les vacances, ça va être l'été. Il faut nettoyer la ville pour faire une ville touristique. Or, que, comment dire une ville touristique où ce qu'il y a la misère? C'est même honteux de dire ça. Et donc voilà. On cache les pauvres juste à ce moment-là aussi, on les balaye. Mais moi je dirais pas. Enfin oui, quand c'est la ville qui agit, c'est pas caché, c'est chassé et caché. Tandis que moi je suis sur un terri, on me reproche par exemple de dire oui, mais tu les caches, tu es sur un terri, on ne te voit pas. Ben, c'est pour ne pas emmerder tous ces petits gens, ces petits citoyens bien nantis, ou même les gens qui montent du doigt les SDF. On dit oui, mais c'est pas normal, il y a des SDF dans la rue. Je les cache pas. On vit sur le terri, on essaye de faire des choses, et on invite tous les gens qui ont envie de participer à venir, des enfants, des scouts, les gens qui passent en promenade, qui viennent nous dire bonjour, on discute avec. Et donc moi je les cache pas. Je fais un village dans une ville. Voilà, je fais un petit village dans une ville. Un éco-hameau, comme j'aime bien dire. C'est une idée super, moi je la trouve vraiment géniale. Mais vous êtes là depuis longtemps ? Ben, on est revenu ici depuis lundi, on a planté les tentes. Mais il faut savoir qu'on avait planté les tentes, c'est un gros mot de dire planter des tentes le long du Halage, dont la Sampre. On avait suivi un peu ce que faisaient les copains Don Quichotte à Paris, mais il y a 2 ans que je dis que je vais prendre un terri pour installer des sans-abri en faisant des maisons en igloo, en forme d'igloo, parce que il y a des tas de raisons pour le vent, pour la chaleur, etc. C'est une suite logique de l'action qu'on a menée au mois de décembre, parce qu'au mois de décembre, il y avait une trentaine de personnes qui étaient sur la rue, qui n'arrivaient pas à aller dormir dans les abris de nuit. Et quand ils veulent dormir, il faut tirer des cartes. C'est honteux. Et puis ça monte le racisme entre les Belges qui veulent dormir, et puis les sans-papiers qui sont là et qui ont besoin de dormir aussi. Et maintenant, c'est l'avenue des travailleurs de l'Est. Et quand c'est pas ça, c'est les travailleurs qui gagnent moins bien leur vie. Hein, les sous-statuts. Et donc, ça finit par monter les uns contre les autres. Ils se battent entre eux au lieu d'essayer de réfléchir que c'est la politique qui est menée. Il faut se battre contre la politique, il ne faut pas se battre entre nous. Et malheureusement, la précarité, je pense que la politique, elle est très intelligente de dire on va leur donner des miettes et ils vont s'entre-déchirer entre eux parce que c'est les précaires, ils se battent entre eux. Et comme ça, pendant ce temps-là, nous, on fait ce qu'on veut et on vit bien. Parce que les politiques vivent mieux quand même, il ne faut pas déconner. Et donc, je pense qu'on est là depuis lundi en se disant, d'abord, c'est détendre, c'est pour dormir. Mais le projet, c'est d'aller plus loin, c'est de dire, ben, autant de temps qu'on sera ici, faisons en sorte d'embellir notre lieu où ce qu'on est, parce que ça aussi, la précarité, elle détruit ce qui l'entoure. Hein, on voit ça dans la ville, on jette des papiers, les canettes, etc. Il y a une loi à Charleroi maintenant, comme à Mons, à Liège, avec l'histoire des canettes. Et ici, vous faites un tour, il n'y aura pas de canette. Pourquoi ? Ben parce que sans cesse, je suis en train de dire « ramasse ta canette » ou « ramasse ton papier ». Alors, les copains, ça ne leur plaît pas toujours. Ils me disent « ouais, mais tu me l'as déjà dit ». Ben oui, tant que je te le dis, c'est que tu le jettes. Et ils finissent par dire « ah, mais pour ne pas qu'ils me le disent, je la ramasse ». Et donc, c'est peut-être ça qui manque. Je ne prendrai pas le mot « éducation » parce que j'aime pas ce mot-là, mais c'est parce qu'on finit par être… Ouais, la conscience, voilà. Et comme on est en ville et que pour finir, la ville est au misérable, on regarde autour de soi, il y a des bâtiments abandonnés, il y a de l'insalubrité, les gens vivent dans des logements insalubres. Et alors, on leur demande d'être correct en rue. Comment on peut être correct quand on vit déjà dans la pauvreté, la précarité? Alors ici, c'est comme un terrain de camping, mais je ne veux pas dire que c'est un camping quand même. C'est un lieu de vie, c'est un lieu de vie où il y a des conditions pour y vivre, où ce qu'il n'y a pas cet interdit en ville, maintenant on ne peut plus se promener avec sa canette en main. Ici, ils peuvent se promener avec leur canette en main, tant qu'ils ne recherchent pas misère aux autres, tant qu'ils respectent de mettre leur canette dans la poubelle, voilà. Et c'est tout simple, hein. On a beau me dire, ouais, mais c'est irréalisable parce qu'on ne veut pas donner les moyens de le faire. Moi, je pense que si demain on disait vraiment à des gens, ou peut-être un privé, hein, qui me dirait, je te donne un bois, voilà, tu fais des trucs avec les gens, même si c'est alternatif, je ferais. Et je pourrais construire avec ce qui est dans le milieu de vie. Il y a tous les moyens, tous les éléments. On a des arbres, sans trop toucher aux arbres, parce qu'il faut garder la nature telle qu'elle est. Mais ça nettoie la nature de délaguer, etc. Donc, c'est intéressant de le faire. Utiliser ce qu'on a ici sur le terri. Il y a des années, donc je ne sais pas combien d'années il existe ce terri. Aujourd'hui, c'est de la terre, hein, et on va creuser 50 cm, peut-être à 1 mètre, on aura seulement l'essence. Donc, il y a moyen aujourd'hui de cultiver, eh bien, cultivons. Faisons un petit jardin, au moins au mois de juin, on mangera des radis, de la salade, qu'on aura plaisir. Si j'avais les moyens, je mettrais des groseilliers partout. Avant, quand j'étais à la campagne, je trouvais des groseilles, je trouvais tout sauvage, mais on avait tout. Ici, il n'y a plus rien, parce que la ville, ben c'est la ville, hein. C'est du béton, c'est des magasins, c'est des vitrines, c'est... Si. Oui, et puis on va faire venir des fraises, hein, en plein hiver, des fraises qui viennent de je ne sais pas d'où, etc. Mais bon Dieu, il devrait avoir des fraises ici sur le terrain, on pourra en mettre les fraises sauvages, c'est tellement bon, les murs... et donc voilà, si... pour le moment, on vient de lancer l'opération depuis lundi. Les autorités ne sont pas trop à m'ennuyer. Ce matin, j'étais en réunion et on a eu la lecture du texte du président de CPAS qui nous félicitait de l'initiative, qui disait qu'il était tout cœur avec nous, qu'il trouvait ça aussi normal et qu'il avait confiance, bien entendu, à Solidarité Nouvelle qui encadre tout ça, parce qu'on a toujours fait preuve qu'on ne fait pas des combats pour s'amuser de faire des combats. On fait des combats parce qu'il y a des réalités de vie, des gens dont la précarité est vraiment aiguë, comme nous on aime bien dire les travailleurs sociaux, mais ça va au-delà de ça. Ça va des gens qui perdent tout à fait le sens de la vie. Alors, ils sont des épaves, mais parce que leur vie sont des épaves. Hein. Et donc, voilà. Alors, sur le terri, on pourrait remettre... parce que c'est un lieu plein d'arbres, de verdure, d'herbe, ça permet le repos. Hein, c'est pas l'excitation. Et donc, je pense qu'avec travailler avec des sans-abri qui ont envie, parce qu'on peut pas leur dire c'est comme ça, sinon je ferais le jeu du social en disant je fais des cases et tu rentres dans la case. Non, c'est quelle case tu vas choisir pour participer au lieu de vie. Hein, toi, tu fais quoi? Et là, ils sont tous en train de couper des petits morceaux de bois qui ramassent des bois morts, etc. En même temps, ça nettoie et ça va permettre à la terre de respirer. Et donc, ils sont en train, tous ensemble, pourquoi? Parce qu'ils sont ensemble en train de le faire. Il n'y en a pas un qui le fait, c'est tous. Et parfois, il faut qu'il y en a un qui le fait pour que les autres y suivent. Et donc, voilà, je pense que c'est tout simple de travailler avec les gens à partir du moment qu'on leur donne, enfin, qu'on leur montre qu'on n'est pas meilleur qu'eux, mais qu'on a besoin l'un de l'autre pour pouvoir avancer. Et les SDF sont pareils aussi. Il faut à un moment donné pouvoir leur dire « Ouais, ok, tu fais des conneries, mais Bien, on va faire des trucs ensemble et montre-moi parce que je connais pas tout, quoi. Hein, et même si on sait, il faut mieux de temps en temps dire je ne sais pas, mais peut-être que après on peut dire mais attends, moi j'ai peut-être un autre truc à t'apprendre et toi tu m'apprends un truc et moi je t'apprends un truc. Et ça, le social, il est pas comme ça. Le social, c'est on fait des structures, on met des lits et aux deux gens, tiens, tire la carte pour aller dormir. C'est fou, c'est dingue, c'est diminuer l'être humain au point de c'est violent, c'est agressif. La personne qui doit vivre ça. Elle souhaite parfois de casser la tête à l'autre. Et j'ai vu le contraire aussi, des jeunes, et même des copains qui disaient « Ah non, non, moi, mon copain, il ne peut pas aller dormir, je ne vais pas dormir. » Alors il perdait, il était même sanctionné qu'il ne pouvait pas aller le lendemain. Alors c'est énorme quand même, et c'est ça le social. Alors moi, si c'est ça le social, en tant que travailleur social, je ne sais pas mon social. Mon social, c'est de permettre à l'être humain les mêmes droits que moi, je me permets. Alors si j'ai le droit de manger, il doit manger. Si j'ai le droit de dormir au chaud, il doit dormir au chaud. Sinon, alors je dois être comme lui et je dois vivre comme lui. C'est un peu ce que je fais d'ailleurs. Hein. Je suis dans les tentes avec eux. Mes papiers ne sont même pas en ordre parce que je m'en fous. Je vois pas pourquoi je serais privilégié par rapport à des tas de gens qui en ont besoin. J'ai moins besoin qu'eux et résultat, ceux qui ont rien, eh ben on s'arrange encore qu'ils aient encore rien. Et c'est ça qui est grave. On devrait tout mettre en œuvre pour que ceux qui n'ont rien puissent avoir la même égalité. Et de dire oui, mais c'est de leur faute. Ils l'ont voulu, ils ont fait le choix, etc. C'est un baratin social que je peux pas entendre, parce que celui qui dit ça, il se protège en même temps, et c'est un peu normal, la peur peut-être, ou l'envie de ne pas être comme ça, ou ça lui fait chier simplement, parce qu'il travaille et qu'il se dit, mais merde, je dois travailler, me fatiguer, me faire engueuler, pour des gens qui veulent pas bouger. Et c'est faux, il faut bouger avec eux pour qu'ils changent. Et donc voilà, dans ce projet sur le Terry, j'attends les autorités pour voir s'ils vont se réveiller. Maintenant, c'est les vacances de Pâques. Ils sont sûrement partis à la Côte d'Azur, peut-être. Enfin, je plaisante. Et pour ma part, on est ici. Petit à petit, on va monter des choses. Maintenant, on va travailler sur des toilettes sèches. Parce que je veux de l'hygiène aussi, hein. Ils ne peuvent pas aller comme ça n'importe où. Et il va falloir que je leur apprenne à utiliser une toilette sèche parce qu'ils vont me traiter de fou après, de me dire « oui, mais on n'a pas de chasse d'eau, on n'a pas ci, on n'a pas là ». Et bien donc, il faudra que je leur apprenne qu'on peut mettre le papier dans un sac en plastique et pas le jeter, qu'on mette de la terre au-dessus, ou qu'on mette des cendres, ou qu'on mette de la sciure, leur expliquer qu'on peut faire du compost, leur expliquer qu'il suffit de prendre une bouteille d'eau quand on va à la toilette et puis se laver les mains et même le derrière sur l'envie, et etc. Alors, on va me dire, c'est archaïque. Ben, il n'y a rien d'archaïque. Je pense que c'est archaïque, la pollution qu'on a faite, et la pollution, on la paye aujourd'hui. Hein, aujourd'hui, c'est devenu le grand combat, le climat, etc. Mais ça fait combien d'années qu'on dit qu'on est en train de détériorer la planète? Et j'aimais bien un copain africain me disait un jour, vous, les Européens, vous chiez dans l'eau que vous buvez. Ben, c'est vrai, il a raison. On fait un gaspillage d'eau, et puis on s'étonne qu'il faut payer les factures. On fait un gaspillage d'énergie dont la lumière reste allumée, nos veilleuses restent allumées, tout reste allumé, et puis on râle à la fin du mois parce qu'on a des factures abominables à payer. Bon, on fait le jeu de ce capitaliste, hein, tout compte fait. On nous donne un peu de fric, c'est pour retourner ceux qui nous les donnent, ils nous les donnent pour payer la consommation, etc. Hein, ils ne donnent pas pour qu'on vive comme il faut, mais pour dépenser. Donc, c'est un peu aussi ce côté rebelle de dire, ben, ne faisons pas le jeu de la société si elle nous emmerde. Essayons de vivre avec le strict minimum qu'on a besoin, en respectant la nature, en se respectant, parce que je pense que le fait d'avoir perdu du respect pour soi-même, et c'est pour ça que les sans-abri, généralement, on peut les traiter de clodo, tout ce qu'on veut, mais ils ne sont pas tous pareils. Il y a des gens qui ont encore des volontés, il suffit de leur donner l'occasion de le faire. Et c'est un peu ce combat. Dire en même temps, je travaillerai encore avec des gens qui sont en fracture vraiment très loin, pour lui dire, ben viens voir, tu vois, il y a des copains qui ne se sont pas laissés aller, ils font ça, viens voir. Et peut-être que le gars dira, ah, mais moi aussi je veux essayer. Et ben il essayera à sa mesure, à sa façon, avec nous derrière pour l'encourager. Mais pour ça, il faut que ce soit les copains qui tout doucement se réveillent en se disant, ah mais oui, j'ai pas tout perdu, j'ai le droit aussi de vivre, j'ai le droit de chanter, j'ai le droit de siffler. Et ça manque parce que quand on est dans la rue et surtout en ville, je pense, le premier souci, c'est on se réveille, on se demande déjà où est-ce qu'on va dormir le lendemain. Quand on est dans des centres d'accueil, on se réveille même pas. On est réveillé parce qu'à 7h30 du matin, on doit être parti. Hein, donc, il faut débarrasser les lits et hop, un réveil brutal avec un éduc qui vient vous réveiller. Et vous devez penser où est-ce que je vais dormir au soir. Vous êtes omnibulé. Est-ce que ce soir j'aurai de la place pour aller dormir? Est-ce que ce soir je vais devoir tirer la carte? Est-ce que ce soir on voudra bien me laisser rentrer? Et alors vous êtes omnibulé et ça fait tous ces trucs-là. Alors vous saoulez la gueule en même temps, comme ça vous dites on s'en fout, je bois, j'oublie, on n'oublie rien. De toute façon, on est mal dans sa peau. Et on s'engueule mutuellement quand on a bu. Donc, il y a tout ça ici. Ils viennent, une fois qu'ils ont décidé de venir, il y a un petit contrat, c'est tu respectes les copains, tu respectes le cadre où ce que tu es, tu jettes rien, ok, tu viens. Tu fais pas ça, il faut qu'on discute, et on discutera. D'ailleurs, on a mis des tentes, des petites tentes bleues pour faire des mini-conférences où tu as envie de parler, on va là et on discute entre nous. Quoi. Ça se règle comme ça et ça se règle pas en disant « je te sanctionne parce que tu n'as pas respecté, je te sanctionne parce que tu m'as parlé grossièrement, je te sanctionne parce que tu nous emmerdes ». Non, c'est « allez, on va discuter ». Quoi. Et en discutant, on peut avancer dans la vie et dans les choses de la vie des autres. Maintenant, ça va pas être facile. Quand on vit en ville, on a perdu cette habitude de vivre un peu dans la nature. On nous a détruit tout ça, hein. Puisqu'en se levant, on appuie sur un bouton, on va à la toilette, on tire sur une chasse d'eau, et on est tellement abruti maintenant avec tout ça que on sait même plus. Il y a des gens qui savent pas allumer un feu de bois, quoi. Hein, je vois ça. Il y a des gens, s'ils n'ont pas l'eau chaude pour faire de la vaisselle, ils ont oublié qu'on pouvait chauffer de l'eau, quoi. À la rigueur, quand il y a du soleil, je mettrais bien un bidon blanc au milieu du camp et j'aurais de l'eau tiède, hein, pour prendre une douche. Hein. Et ça, on l'a oublié. Alors moi, je fréquente depuis des années des gens qui n'ont rien, qui vivent dans les Cévennes ou l'Arzac, et je suis toujours épaté, roulé avec de la friterie, enfin de la récupération d'huile de friterie. On a fait un tracteur qui tourne à l'eau. Il y a 10 ans qu'on a un tracteur qui tourne à l'eau en Auvergne, hein, chez les copains. Ils ont transformé ça il y a 10 ans. Et on sait que le moteur Pantôme, on n'a rien inventé. Il existait bien. Hein. C'est un des premiers. Enfin, dans les moteurs après la vapeur, il y avait le moteur Pantôme. Et c'est simplement la société de ces multinationales qui ont fait en sorte que tout ça soit efficace. Se débrouiller par soi-même, ça ne fait pas le jeu de la société. Alors si la société chasse justement cette précarité, dit « ouais, mais on en a marre, on doit toujours les aider, etc. Ben » alors, ok, qu'ils nous donnent le coup de démarrage pour pouvoir se permettre de faire ce qu'on veut faire. Et à ce moment-là, on pourra leur dire « mais vous voyez, il y a moyen d'eux. Hein » Alors on ne dit pas que ça peut se réaliser pour tout le monde, moi je n'ai pas dit ça, mais je pense qu'il faut laisser toutes les initiatives alternatives qui peuvent se mettre en place. Si un quartier, on le fait bien, hein, tout d'un coup on met des maisons de quartier, mais quand on regarde bien les maisons de quartier, c'est qui? C'est encore géré par qui? Par le système social. Donc c'est toujours pour cette mainmise d'une façon ou d'une autre. Alors arrêtons cette mainmise, ou disons, pendant un an on fait un lancement, après vous prenez votre vie, hein, peut-être 2 ans, ou la première année en tout cas, il y a peut-être des responsables, comme on dit, hein, mais je disais dans une réunion, il faudrait peut-être arrêter de mettre autant de travailleurs sociaux, parce que pour mettre 8 personnes, on va mettre 2 ou 4 dans certains endroits, mais 4 travailleurs avec 10 personnes. Ben, je suis ici tout seul en tant que travailleur, et je peux aller jusqu'à 10, 15, 20 personnes avec moi. Seulement, c'est vrai que s'ils font leur loi, je fais ma loi. Parce que c'est d'égal à égal. Et donc, je vois qu'on n'a pas besoin d'être 50. Maintenant, toutes les bonnes âmes sont toujours bienvenues, les bénévoles, les militants. Mais ça aussi, c'est important. Rentre et j'ai des anciens SDF ici qui sont avec moi, qui s'occupent de l'intendance ou des trucs comme ça, qui m'entendent 2 fois plus rouspéter sur eux que sur autre chose. Enfin, quand je dis rouspéter, c'est en amitié, bien entendu. Mais c'est des anciens de la rue. Et c'est des anciens de la rue que quand on a remis dans des logements, ils deviennent fous parce qu'ils sont dans un carré enfermé. Ils ont besoin du contact, ils ont besoin de retrouver leur père, comme on dit. Hein. Il ne suffit pas de mettre quelqu'un, un SDF, le sortir et le mettre dans entre 4 murs. Il devient fou. Il a besoin de continuer. Et malheureusement, leur continuité dans les langages, on leur donne quoi? On leur donne l'occasion de discuter, mais toujours précaire entre précaires. Ça non plus, c'est pas normal. Le précaire a le droit de fréquenter les bourges, il a le droit d'aller au cinéma comme tout le monde. On fait des articles, je sais plus, 24 ou quelque chose comme ça, ou 27, hein, c'est les articles 27, j'ai oublié le truc, pour leur permettre d'aller voir du cinéma. Mais quel cinéma? Des trucs du social, des machins, parfois que, bon, bien sûr, c'est intéressant pour les gens, les alternatives, des trucs comme ça. Mais pourquoi ils n'auraient pas le droit, ou même ticket pour aller voir, je sais pas moi, le Titanic ou autre chose. Pourquoi? Tout ça parce que c'est réservé. Et donc, il faut arrêter la réservation de l'élite. Et, parce que pour moi, l'élite, c'est l'SDF qui est l'élite. Parce que je prendrai le petit côté chrétien, ou je dirais crétin en même temps, parce que je suis chrétien, mais je dirais que les curés ont abusé pendant le Moyen-Âge, hein, avec laisser les pauvres, c'est moi qui m'occupe des pauvres, hein. Et alors il disait aux pauvres, vous devez rester pauvres parce que c'est à vous le paradis. Mais ce temps-là, lui, il n'était pas forcément pauvre, hein, quand on regarde les papes, etc. Non, il n'était pas forcément pauvre, mais le pauvre, il devait être pauvre parce que c'est pour vous le paradis. Hein. Il faut arrêter ces conneries. Moi, je dis que le paradis, il appartient à tout le monde. Et le paradis, ce n'est pas ce qu'il y a dans le ciel, c'est ce qu'on fait sur la terre. Hein. C'est le terri, par exemple. Aujourd'hui, c'est le terri, c'est le jardin d'Éden qu'on va faire ici. Alors, il est un peu sauvage, justement, parce que le jardin d'Éden, il doit être sauvage. Et on va revivre une vie comme ça, pas de sauvage, parce que pas question, il faut que les copains aient le droit d'avoir le droit de la vie, quoi, point. Mais donc, je pense que, moi, je dis pas aux copains, il faut être... le paradis, il faut être pauvre, je dis simplement aux copains, le paradis, c'est le partage, c'est la solidarité, j'ai un morceau de pain, ben, tu peux pas le manger tout seul, il faut le partager avec le copain. J'ai un morceau de fromage, je le partage avec le copain, et je prends pas le fromage pour moi tout seul en cabanant dans mon coin. Bon, et donc, voilà, ça, c'est le paradis. Maintenant, on verra bien ce que ça va donner, on verra bien si la ville va suivre. Mais je m'attends pas à la ville, je m'attends à un moment donné que des bourgeois qui ont du fric, des mécènes, parce que c'est déjà existé. Quand on a fait l'action le long du canal, j'ai eu de la bouffe payée dans un restaurant, hein, qui m'apportait tous les soirs, tous les soirs de la bouffe, de la bonne bouffe, ça venait d'une bonne taverne, et c'est un mécène qui ne m'a pas fait savoir qui il était, qui ne voulait pas savoir qui me rencontrer, mais qui a dit, tant qu'ils seront là, tant qu'ils auront besoin à bouffer, je paye. Bon, merci à lui, j'ai dit merci par les voix de la radio, parce que je ne sais pas c'est qui. Ben, aujourd'hui, au même mécène, j'ai dû envoyer des petits messagers. Je dis, ben, écoute, moi je ne te demande pas de me repayer de la bouffe tous les soirs, parce que ce n'est pas ça qu'il faut. Il faut continuer il faut permettre aux gens de faire de la bouffe. Il faut permettre. Et donc je lui dis, ben, achète un terri pour moi, quoi. Et ce n'est pas pour moi le terri, j'en ai rien à foutre. Ça sera le terri des gens, ça sera le terri des gens qui vont s'investir dedans, ça sera le terri de tout le monde, ça sera le terri des enfants qui viendront. De la semaine, j'aurai des enfants qui vont venir partager leur pique-nique avec les sans-abri. J'ai des écoles qui me téléphonent en me disant « Oh, vous êtes venu à l'école, on voudrait bien venir maintenant sur vous voir sur le terrain. » Eh bien, ils viendront ici. Pour bien leur montrer que les SDF, c'est pas tous des brigands comme on a envie de le faire croire, que si on leur donne leur chance à eux de discuter, ils savent discuter, ils ont des histoires à eux, et que moi, je suis toujours épaté de dire que plein des SDF ont des dons, hein, et seulement il suffit, il faut leur permettre de redévelopper ce don, hein. Nous, pour faire bien et dire qu'on est intelligent, je fais partie d'une clinique de concertation, et là-dedans, on apprend à travailler avec le résiduaire des gens, ce qui leur reste. Alors utilisons ça, utilisons les côtés bons qu'ils ont, et arrêtons de leur reprocher ce qu'ils sont. Hein, d'accord, ils sont SDF parce qu'il y a eu une catastrophe, parce qu'il y a la drogue, parce qu'il y a l'alcool, parce qu'il y a toutes ces conneries. Ça, on le sait. Si on ne le sait pas encore aujourd'hui, si aujourd'hui je vais encore dans les écoles d'AS qui me disent « on ne comprend pas comment on peut devenir SDF », je suis désolé. Depuis l'histoire des SDF, ça date du Moyen Âge. Et alors si aujourd'hui, avec tout ce qui est écrit, les sociologues, les anthropologues, tous ces loques qui ont écrit des fameux bouquins, il suffit de lire Les Naufragés, il faut lire tout ça, si on n'a toujours pas compris, ça veut dire qu'on ne veut pas comprendre et que ça arrange bien. Et alors je vais aller jusqu'à dire que ça, c'est... on va créer des assistants sociaux, des éducateurs, et la misère, on va la recréer encore, on va continuer à la poursuivre, simplement parce que ça permet à des gens de travailler. Ça permet à des gens d'avoir un salaire, ça permet à des gens de vivre bien au détriment de ceux qui crèvent. Et ça, c'est pas, ça je ne veux pas, moi. Je peux pas prétendre, en tant qu'éducateur, puisque je suis soi-disant éducateur, je ne peux pas prétendre que je travaille un salaire pour me nourrir sur le compte des gens qui crèvent. Non. D'ailleurs, ici, en attendant, c'est mon salaire qui est utilisé. Et je pense que ça devrait être ça, la société. C'est le partage. En France, j'entends souvent le partage des richesses. Hein, c'est de prendre aux riches et de le redistribuer aux pauvres. J'ai pas envie d'être un voleur, je suis pas un Robin des Bois, je suis pas un Thierry Lafronde, je suis pas tous ces trucs que je regardais quand j'étais gosse. Je suis un humain, je suis un mec qui dit mais c'est pas normal, Il y a des gens qui crèvent à côté de ça. Bah toi, tu peux tout te permettre parce que tu travailles dans la misère. Et toi, tu as un salaire dont tu pourrais être à ton bureau et tu gagnes ta vie. Ah ouais, mais tu travailles. Non, ça ne m'appartient pas, leur fric. Donc, je le partage. Je partage mon fric, je fais ce partage de richesse et je ne suis pas riche. Donc, je crois qu'au lieu d'aller crier toujours les altermondialistes, et je suis un altermondialiste, c'est que j'en ai marre d'aller courir en Grèce, dans les grands forums, où ce que je rencontre des gens qui n'ont jamais mis un pied dans la rue, ou qui n'ont jamais dormi dans un tunnel, et où ce que je vais parler des sans-abri régulièrement, où ce qu'on m'applaudit parce que je parle de la misère, je suis pas fier, je suis dégoûté, je suis pas bien dans ma peau de dire ouais bravo, je suis une star, non. Je dis la misère, c'est pas gay. Et il faut, donc, au lieu d'aller crier maintenant les riches partagés, je dis ben moi je suis pas plus riche, mais je partage avec les potes de la rue, mais je veux partager dans un échange, de leur permettre d'être un jour, c'est eux qui vont me dire hé gars, c'est moi qui partage maintenant, c'est moi qui te donne. Hein. T'as donné assez, maintenant je vais te donner un coup de main. Hein. Le jour que ça se passe comme ça, et c'est ce que j'ai de toute façon. J'ai une richesse inimaginable. Moi, c'est, j'ai pas de fric dans les poches, mais j'ai les histoires des gars. J'ai leur vie, j'ai leur amour, j'ai leur fleurette quand ils rencontrent une fille qui panique ou un truc ainsi, que ça ne va pas, ils viennent me raconter. J'ai les filles qui me téléphonent parfois en me disant hey, mais ils me cassent les pieds, qu'est-ce que je dois faire? Et donc j'ai leur histoire de vie. Et leur histoire de vie, c'est quelque chose de plus des merveilles. Parce que je peux écrire, je peux chanter, je peux vivre, je peux raconter, je peux aller dans les écoles, je peux partager les joies, les moments de joie, de peine. Et malheureusement, oui, bien entendu, tous ces morts les potes que j'enterre et les filles prostituées, les toxicomanes. Mais c'est une richesse inouïe parce que quelle confiance qu'ils font pour pouvoir donner, se partager, donner leur petits sentiments secrets. Et ça, les travailleurs sociaux, le jour qu'ils auront compris vraiment que s'ils veulent faire du bon travail social, ils doivent vraiment connaître l'autre. Et pour connaître l'autre, il faut pas lui dire déshabille-toi ou enfin raconte-moi ta vie. Il faut lui rendre confiance pour que le gars ait envie de raconter sa vie. Et parfois, il faut dire au gars, viens, on va s'étaler dans l'herbe et on va parler des coccinelles et on va parler des branches. Et pendant qu'on coupe un arbre, enfin pas un arbre, mais des branches, dire à l'autre, tu te sens bien? Et si l'autre a envie de te raconter qu'il est mal dans sa peau, être capable de continuer à couper des branches en lui montrant que ça t'intéresse ce qu'il raconte et de lui dire, raconte-moi, qu'est-ce que je peux faire? Hein, tu veux quoi? Hein, je dois t'écouter, je t'écoute, qu'est-ce que tu as à dire? Et d'une façon que le gars se dise, c'est chouette, je partage avec un copain et pas avec un travailleur qui est dans son fauteuil et derrière son bureau. Voilà, et c'est tout ça que je pense remettre sur ce terri avec les copains. Et ça va commencer, ça va s'installer. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, je le dis bien. C'est ça que j'avais envie de poser comme question, c'est que donc la démarche, tu es là depuis lundi, on est mercredi. C'est ça, ça fait 2-3 jours que vous êtes là. Mais je dis, hein, le projet, il est génial, vraiment. Et tu vas... C'est quoi le futur, quoi? Si demain, on te met... Comment est-ce que tu vois la suite, tu vois? Demain, j'ai envie de te répondre, comme je fais souvent quand je vais voir les politiques ou les grosses têtes, parce que je suis bien obligé de faire des réunions. Je prends toujours une tasse de café, je ne l'ai pas ici, puisque je bois ma tasse de café, je retourne dedans, je bois, et puis je regarde s'il y a des mares. Et je dis toujours que je ne sais pas lire dans les mares. Dans le futur, je ne vis pas avec qu'est-ce qui sera dans le futur. Je vis avec ce qui est présent. Je vis avec l'instant. Quand il y a quelque temps, on m'a dit, j'ai proposé qu'on laisse encore un mois des lits, on m'a dit, oui, on va voir, 80% de chances qu'on garde des lits encore un mois. De toute façon, je savais déjà que quand j'aurais pu les lits, je devais faire une action pour permettre aux gens qui étaient à la rue de dormir. Donc, je le savais. Il y a 2 ans, je disais, je vais prendre un terri, je vais m'installer. 2 ans après, j'y suis. Donc, j'ai attendu 2 ans pour que ce projet, sans être un projet, c'était, j'ai dit que... Et je l'ai fait parce que je me suis retrouvé avec des gens sur le trottoir et j'ai dit cette fois-ci, je ne discute plus avec le social, je mets en œuvre de faire ce que je dis. Et je ne promets plus ou je ne fais plus de... Je ne vais pas faire comme les politiques, dire des bonnes paroles et puis je ne le fais pas. Je suis sur le terri, il y a 2 ans je l'ai dit, voilà, je suis sur le terri. J'ai dit que je mettrais des igloos, j'ai mis des tentes. Je les avais, donc autant mettre des tentes. Alors, je ne sais pas le futur, parce que je serais devin et je ne le suis pas. Et ça serait... Oui, mais ça serait ennuyant, attends, ça serait ennuyant d'être devin. Imagine, je suis devin demain et puis je vois que rien ne va aller. Alors, je ne fais rien. Je ne fais rien alors. Et donc, ce que je vais faire maintenant, en tout cas, c'est de continuer, puisque c'est jour après jour qu'on travaille. J'étais un alcoolique, j'ai pas su quand j'allais arrêter de boire. Quand j'ai arrêté de boire, il m'a fallu du temps pour savoir si... Il y a 8 ans que j'ai arrêté de boire, et tous les jours, je dis, j'ai gagné un jour. Et je sais pas si demain, je vais pas boire. Aujourd'hui, quand je vais me coucher, je serai si j'ai bu ou pas de la journée. Donc ce soir, je dirai merci parce que j'ai pas bu peut-être. Et donc... Je fonctionne de la même façon. Je dis, je mets des choses en place parce que je connais, mais je vais le faire. Je peux pas mettre des choses dans le futur si c'est pas les gens qui le mettent. Et donc, je propose des choses, je parle de la phytoépuration, je parle de choses et d'autres, et j'essaye de les intéresser à ce que je fais ou à ce que je dis. Et une fois que ça les intéresse, tu peux créer le futur puisque c'est eux le futur. Le futur, c'est les gars qui vont le faire, c'est pas moi. Moi, je préconise que tant qu'on ne m'emmerde pas, enfin qu'on ne vienne pas me chasser du terri, je vais continuer à créer des choses sur le terri. J'ai attendu 3 jours avant de me décider à travailler sur les toilettes sèches parce que je me dis, si je fais les toilettes sèches tout de suite et que je ne fais pas participer les gars, c'est moi qui fais à leur place. Donc je fais participer. Bon, maintenant ils coupent du bois. J'en ai un autre qui est venu débroussailler pour moi pouvoir voir où ce que je vais faire l'emplacement. Eh ben les toilettes sèches, ils seront peut-être mis demain ou ils seront mis fin de semaine. Je vais les pousser à m'aider à faire les toilettes sèches, sinon je peux le faire tout seul. Mais à ce moment-là, ça veut dire que c'est moi qui fais tout et on n'en parle plus. Et donc, le futur sera ce que les gars vont faire tous les jours avec tout ce qu'ils vont... Tous les jours, quand ils vont faire un pas en plus, je ferai un pas en plus. Et donc, j'espère, entre guillemets, je vais devoir attendre la semaine de Pâques, forcément, de voir ce que la ville va décider, parce que jusque maintenant, on me laisse bien tranquille, et j'ai même eu la visite des copains flics, parce que j'ai des copains dans les flics malgré tout. Ils sont venus me voir, on n'a pas d'ordre, on te laisse tranquille, on simplement la sécurité, tu fais attention comme d'habitude, on a confiance en toi. Et je vais continuer à installer la fin de semaine, vendredi, il est clair que je mets une gazinière sur le terrain parce que je vais me retrouver samedi et dimanche. Ici, ils peuvent encore aller manger en ville, faire de la débrouille parce que c'est aussi le contrat avec eux. Hein. Enfin, contrat sans être écrit, c'est tu viens pas ici pour dormir toute la journée. La preuve, c'est qu'à 8h du matin, ils étaient déjà partis faire leur truc qu'ils doivent faire en ville, les papiers, aller prendre une douche, ce qu'ils avaient envie de faire ou la manche. Donc, au matin, quand je me suis levé à 8h30, ils étaient tous partis. Et je me dis, merde, je dois aller en réunion. Quand je suis revenu, je me dis, il n'y a personne, il a fallu que je revienne à midi. C'est moi qui devais surveiller le camp. Donc j'étais là à midi pour permettre aux militants de partir. Et puis tout d'un coup, ils se sont ramenés en bande. Et il y en a deux qui ont été dormir. J'en ai un qui était malade et qui me dit, je ne suis pas bien, je reste dans ma tente. Et puis tout d'un coup, ils se sont tous remis en route. Je ne sais pas quelle heure il était quand est arrivé. Ils commençaient à se réveiller de leur torpeur pour faire des choses. Et maintenant, ils sont dans leur vie. C'est aussi le côté où ce que ils n'ont plus d'heures, ils n'ont plus d'espace-temps. Moi, je dis souvent, un sans-abri a perdu les notions du temps. Alors, il fait ce qu'il a à faire au moment qu'il veut faire. Et donc, peut-être qu'il va falloir à un moment donné leur réapprendre aussi des rythmes de vie. Mais est-ce qu'on est obligé d'avoir le même rythme de vie que ce qu'on nous impose? Par exemple, un travailleur, il doit se lever 6 heures parce qu'il va travailler pour une telle heure, ou 5 heures parce qu'il va travailler à 6 heures. Mais quand tu n'es pas travailleur, est-ce que tu as besoin du même rythme de vie? Alors on t'oblige, la société nous a bourré le crâne, c'était le travail. Ce n'est que par le travail qu'on peut s'en sortir. Ben le travail, pourquoi ne pas dire que le travail c'est la nature, c'est de faire un jardin, que c'est se lever et profiter, qu'il y a une éclaircie pour nettoyer le coin. Et donc ça aussi, hein, je ne sais plus quel est l'économiste qui disait, c'était Gorse, je pense, qui disait que les gens ont tant besoin d'hobby. Et il faudrait qu'il y ait la période de sa vie où ce qu'on travaille, une période où ce que c'est les loisirs, et puis à la fin de vie, tu as encore du travail, et puis ta fin de vie, quoi. Hein, pourquoi pas? Ah mais non, l'économie, c'est pas ça, c'est bouter, les heures supplémentaires. On voit ce que ça donne aujourd'hui, toutes les fermetures hein, des usines, et toutes les usines où ce qu'on gagnait bien sa vie, sont en train de se barrer, où ce qu'on paye moins cher, parce qu'on retombe en ancien temps, pour essayer d'avoir la main-d'œuvre gratuite, c'est clair, c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Bon, et donc, à la vraie question de qu'est-ce qui va être dans le futur? Ben, le futur, n'en parlons pas, parlons plutôt du présent, disons, aujourd'hui, on est là, aujourd'hui, on fait des choses, on bouge, hein, on coupe du bois, on nettoie le terrain parce que j'aimerais bien qu'il soit dégagé, j'aimerais bien que quand les rosiers seront en fleurs, ils ne seront pas éparpillés dans tous les sens et que ça soit propre. J'aimerais bien qu'à un moment donné, on puisse dégager des ronces pour moi faire un petit jardin parce qu'il y aura des radis, il y aura de la salade, tant qu'on me laisse ici, bien entendu. Maintenant, dire avant avril, je ne peux rien faire vraiment, à part retourner un petit terrain, le reste tu ne peux pas faire, il risque encore d'avoir des gelées. Donc ça sera vraiment, est-ce qu'au mois d'avril, on sera encore là. point d'interrogation. Donc comme je n'en sais rien, je dis aujourd'hui je suis là et demain. Alors par contre, je peux répondre à si les autorités communales viennent vraiment me dire tu dois dégager pour demain, je leur dirai ben demain il faudra venir avec la force, avec la loi, il faudra venir avec les flics, il faudra venir même avec pire que des flics, il faudra venir avec la brigade anti-émeute, parce que même si je suis tout seul, je vais m'installer et je vais leur chanter la chanson que je m'installe dans l'herbe et que j'en ai rien à foutre de ce qu'ils me disent. Et ils devront brutaliser pour sortir d'ici. J'y reste, hein. Il y avait une chanson et je ne partirai pas, et donc j'y suis, j'y reste et je ne partirai pas, je suis pas seul, je suis avec les potes. Si c'était pour moi tout seul, c'est clair que moi je m'en fous, j'ai un appartement, je peux rentrer, j'ai des maîtresses, je rentre chez mes maîtresses, mais non, j'ai des gars qui me font confiance, j'ai des gars qui se sont installés et j'ai des gars qui m'ont dit si tu restes, on reste, parce qu'ils auront peur seuls. Je suis un peu leur bâton comme ça, et j'ai des gars qui m'ont dit on est prêt à s'asseoir avec toi et on va s'attacher ensemble et devront nous traîner de force. Donc je leur conseille pas de m'emmerder avec ça parce qu'ils savent très bien que ça va se retourner contre eux. Alors je pense demander les autorités, j'attends vraiment un rendez-vous avec le bourgmestre. J'ai déjà eu le président de CPS, c'est venu ici, hein. Lui, il sourit parce qu'il me dit en même temps, il me donne pas tort, il sait que j'ai raison dans, on peut pas s'occuper de tous les précaires, c'est clair, mais alors qu'est-ce qu'on fait d'eux? Il faut s'en occuper quand même. Donc moi je m'en occupe. Alors qu'on nous donne les moyens de le faire, et qu'est-ce que je demande? Je demande qu'on trouve des solutions pour qu'on ait de la flotte, je demande qu'on ait des solutions pour qu'on ait du matos, du matériel, je demande qu'à un moment donné on ait un coup de démarrage, parce qu'on a besoin, j'aurais besoin de semences, et c'est même pas vrai les semences, parce que je pourrais demander dans la ville à chacun de m'amener un paquet de fleurs, il m'amènerait un paquet de fleurs, je leur demanderai de m'amener des semences de cornichons, m'amènera, et je suis sûr que j'aurai des jardiniers dans le coin qui me diront attends, on va venir t'aider à faire le jardin pour te lancer. Je suis sûr, et ça moi c'est la collectivité, c'est la conscience civile, la conscience du citoyen, et c'est arrêté de devoir dire il faut tout demander au social. Et c'est ça c'est le tort, c'est qu'on a tout laissé au social, et résultat on a dit mais dormez tranquille citoyen, on est là, on s'occupe de vous. On a surtout rendu les gens dépendants de ce social. Alors aujourd'hui les gens ne savent plus rien faire. Le chômage a fait pareil, le Minimex a fait pareil, enfin le CPS a fait pareil, et résultat tout d'un coup on dit oh les gens sont des fainéants, ils ne veulent plus rien faire. Mais on nous a abrutis, on ne peut rien faire. Et donc qu'on nous laisse faire et puis on fera. Donc si demain on vient me dire on te chasse, ben demain ça sera je rameute les gens pour faire la lutte. Et donc ça voudra dire que je téléphone à tous les copains, il suffit d'employer internet là, hein. J'envoie ça à ma collègue elle met sur internet, et on fera venir 50 personnes ici sur le terrain, alors à moins qu'ils viennent de la nuit nous chasser, mais imagine, il leur faudra les phares, les lampes de poche, et ça serait folklorique quand même, et ça m'amuserait, hein. Et donc voyons pas ce que sera le futur, voyons aujourd'hui, présent, on est là, ça fait déjà depuis lundi. Et autant dire qu'on est là en réalité depuis janvier, puisqu'en janvier on était au bord du canal, on était avec des tentes, on était 35 personnes. Ici je n'ai pas muté 35, jusque maintenant je suis resté 10, 15, j'ai dit, parce qu'il faut gérer tout ça. Maximum je gérerai bien 20 personnes. À partir du moment que j'encadre et que je partage avec les gens qui sont avec moi, parce que le problème il est toujours là. S'il faut que des assistants sociaux, on devient des gardiens chiots, hein, et ça ne va pas, parce qu'alors on devient vraiment des gardiens. Si t'es seul et que tu dis à l'autre mais je peux pas travailler tout seul et j'ai besoin de toi, à celui qui a déjà fait l'effort de sortir des SDF, là, les militants comme je les appelle. Les bénévoles aussi, hein, si je leur dis j'ai besoin de toi parce que je sais pas le faire, même si je sais le faire, faut dire je sais pas le faire. Si tu leur donnes cette envie, ils disent hey, mais attends, moi je te seconde, et c'est pas encore assez intéressant qu'ils me secondent. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils me remplacent et que moi je peux m'appuyer sur lui, et c'est ce que je fais avec les gens quand je travaille, c'est que je leur fais faire à ma place. Alors c'est pas que je suis fainéant, c'est que si je le fais à ma place, eux, ils vont rien faire, ils vont regarder, et de nouveau, je les rends dépendants de moi. Tandis que quand ils savent faire eux-mêmes, ils sont tout fiers de dire « c'est moi qui fais ça, hein, et je t'apprends des choses ». Et c'est agréable de partager ça. Malheureusement, le social, c'est pas ça. Donc, voilà, on en a là, et je pense qu'aujourd'hui, on a du soleil, c'est la preuve qu'on est soutenu aussi d'un mystérieux paysage, on est dans un beau cadre, et puis... Je suis beaucoup plus détendu que j'ai été au mois de janvier, parce que j'étais dans le stress, l'angoisse, la bagarre, parce qu'il fallait tout gérer, les colères et tout ça. Et ici, j'ai l'impression qu'ils ont commencé à comprendre que s'ils voulaient aller jusqu'au bout, il fallait qu'ils gèrent ensemble, et c'est ce qu'ils font. Alors, de temps en temps, il y a bien un coup de gueule ou un truc ainsi, mais ça fait partie. Hein. Dans un couple, on se dispute. Alors qu'on est dans un collectif, si on ne se dispute pas, c'est qu'on ne s'intéresse pas aux autres. Et donc, tant qu'ils se parlent, tant qu'ils ont des petits. Tant qu'ils ne se tapent pas sur la tronche, parce que ça, je ne permettrai jamais à quelqu'un de se taper dessus. Tant que je suis là, en tout cas, je me mettrai entre eux. Mais. Voilà, ça c'est aujourd'hui, et puis demain on s'en fout. Demain, reviens nous voir demain, et demain on dira pour la même chose. On dira, regarde, on évolue, on a fait ça aujourd'hui, on a mis ça. J'ai des gens qui ont tenu depuis lundi. Lundi, on était à 3 sur ce terrain pour monter les tentes, pour démarrer, pour tout ça, on était à 3. Hein. Je me disais, on ne s'en sortira pas. Et puis tout d'un coup, j'ai vu mes collègues quitter une réunion. Des collègues qui font plus de réunions que de travail social. Ils sont venus à une dizaine, bien sûr, là-dedans. Il y avait les secrétaires qui regardaient les choses parce que eux, c'est leur machine, c'est leur petit doigt qui tape sur les ordinateurs. Ça s'arrête là. Et ici, ils ont dû quand même, alors ils ont même distribué de l'eau ou des trucs. Et tout d'un coup, il y avait une volée. On était à une vingtaine sur Stérie à faire des choses. Or qu'au matin, jusque midi, une heure, on était 3. Et je me suis dit, on va... Bon, tant pis, on met ce qu'on peut et puis on verra bien plus tard. Et résultat, aujourd'hui, eh ben, on a 6 SDF, 4, 5, 6, 7, 7 SDF en tout, je pense. On a 3 militants qui sont des anciens SDF. On a des gars qui retournent parfois dormir chez eux parce que qu'on est habitué à un certain confort et puis dormir dans la tente, mais qui reviennent parce que chez eux, s'ils restent plus de 2 jours chez eux, ils deviennent fous parce qu'ils ont besoin d'être avec des autres, ils sont trop seuls, hein, ils sont isolés, ça tue ça. Et donc, ça prouve bien qu'il faut travailler sur permettre aux gens de revivre ensemble, arrêter de les sanctionner, puisque c'est bien ce qu'on a fait. On a sanctionné les solidarités. Quand la famille essaye de s'entraider, paf, si t'as du chômage, on te retire de ton chômage. Si t'es minimaxé, on te le retire en te disant t'es aidé par quelqu'un d'autre. Et donc, il faut arrêter tout ça, il faut permettre aux gens de revivre, de recréer. Ça coûtera moins cher à la société, hein, parce que maladie, les déprimes, les suicides, tout ce que... Et voilà. Je voulais dire quelque chose, parce que quand t'as la tchatche, tu la tiens bien. Mais tu parles bien, hein, y a pas de problème. Mais juste ça, parce qu'on parle du futur, je t'ai posé la question, bah tiens, tu vois comment demain, c'est simplement ça. C'est parce que dans le social aussi, il y a une manière de travailler qui est de l'occupationnel, tu vois. C'est-à-dire qu'on regarde pas justement au demain et on occupe. Allez, on occupe parce que au moins ça fait pas de bruit dans la rue, tu vois. C'était juste ça que je voulais rajouter, c'est que c'est pas absolument le futur, c'est dire bah tiens, je suis dans quelque chose, mais j'espère, je rêve, je crée autre chose pour un futur, tu vois. Mais évidemment que tu es dans le temps présent, et voilà, c'est ça que je voulais dire, voilà. Mais écoute, je ne peux que te dire, mais d'accord, mais le futur, c'est que moi, je pense maintenant être parti pour vraiment vouloir changer les mentalités, de dire il faut le logement alternatif, hein, et permettre aux gens de participer à leur création du logement et arrêter de nous emmerder qu'il faut absolument réquisitionner des tours de béton, quoi. C'est vrai qu'il suffirait que j'aille réquisitionner des bâtiments, je le ferai. J'ai dit que pendant les élections, il est clair qu'ils ne vont pas dormir tranquilles, les politiques à Charleroi, parce que de toute façon, j'irai faire des actions pour ceux qui ont besoin, les squatteurs qui ont besoin d'un coup de main auront un coup de main. J'étais à Bruxelles, j'irai bien, je ferai à Charleroi. Mais mon intérêt avec ceux d'ici, c'est d'aller à long terme avec des gens qui ont besoin de se ressourcer, de reprendre leur vie en main, mais autrement que par cette obligation de travail. C'est la terre, et c'est pour ça que je pense que l'alternative et la solution, c'est de construire son chez-soi. Mais ça ne suffit pas de construire son chez-soi, c'est de se reconstruire. Et donc, Pour moi, c'est tout lié. Je ne travaille pas avec des gens ou je ne fais pas des choses avec des gens sans qu'il y ait un rapport de sa vie. Donc, celui qui a fait de la prison, tu sais, on parle souvent de deuil. Combien de gens n'arrivent pas à oublier leur femme qui est morte ou qu'ils ont fait des conneries ou... Eh bien, il faut faire un deuil. Et à un moment donné, il faut arrêter de pleurer sur son sort. J'ai pleuré sur mon sort quand j'étais SDF, j'ai fait du vagabondage et j'ai détruit plus que j'ai construit. Parce que j'étais dans le truc avec mes remords, avec mes angoisses, avec mon passé. Le jour que j'ai dit merde à mon passé, j'ai commencé à réfléchir autrement. Alors le passé, il est toujours là, on ne peut pas l'oublier, on ne peut pas oublier ce qu'on aime, on ne peut pas, c'est mort, etc. Mais les morts, ils sont toujours avec nous, de toute façon, si on a envie d'y penser, il suffit de penser à l'image. Et donc je pense que dans le monde, dans ce que je veux faire avec les gens, c'est ça aussi, c'est pas construire, si on construit une maison, même que ce soit une cabane, que ce soit un igloo, etc., ce n'est pas construire l'igloo qui m'intéressait. Comment je vais faire en sorte avec le gars que son passé est dans cet igloo et que s'y reconstruire modèle sa vie. Quand je parle de terre paille ou des trucs comme ça, c'est que la terre, mais ici ça ne sera pas le même, il faut de l'argile, la terre tu la façonnes. Et tout compte fait, l'être humain, il est façonné. Donc si je lui apprends à reconstruire à une manière qu'il a envie, à mettre sa main, à imprégner sa main, c'est pour lui dire qu'il existe et qu'il n'est pas fini. Et que son passé, après tout, c'est comme une palette, des clous rouillés. Tu les prends, tu démontes ta palette et puis au lieu de la brûler, parce que c'est ce qu'on fait avec les gens, on les jette, hein, les SDF, mettons-les de côté, cachons-les, mettons-les dans des foyers. Non, on prend la palette, on la démonte, hein, la palette de bois. Et on récupère chaque morceau de bois parce qu'avec ce morceau de bois, on va reconstruire une petite cabane ou une maison. Et quand j'aurai reconstruit ça, je vais réutiliser les clous. Et les clous, c'est ta vie. C'est tous tes emmerdements, c'est ton passé. Et tu vas les mettre là et puis tu vas les replier parce que tu vas dire, c'est mon passé, voilà ce que j'en fais de mon passé. Je vais réutiliser mon passé pour m'en servir et réapprendre à vivre mieux. Et je vais les replier. Et quand je les aurai repliés, je vais mettre un coup de plafonnage. Et quand j'aurai mis mes 3 cm de plafonnage dessus, il restera quoi ? Un beau mur lisse. Et à la rigueur, je vais façonner mon mur lisse comme j'ai envie. Parce que maintenant, je veux changer ma vie. Je vais mettre mon empreinte parce que c'est ma vie. Et je vais peut-être dessiner une femme, peut-être un rayon de soleil, peut-être la mettre en peinture avec des dessins. Parce que j'aurai effacé mon passé et j'aurai recommencé ma vie. Et c'est ça qu'il faut penser. L'intérêt, c'est ça. Et on ne peut pas le faire simplement en disant, je te mets dans un squat. Enfin, le squat, c'est une chose, c'est une autre façon de vivre. Mais on ne peut pas faire ça en faisant, je te mets dans un foyer, je te mets dans un logement et je t'abandonne. Donc, ça veut bien dire qu'il faut continuer. Maintenant, il y a 36 choses. Et donc, quand tu reviens à ce que tu as dit, moi je n'envisage pas, et c'est pour ça que je dis, je reste toujours très... lié à ça, c'est il faut reconstruire en effaçant tout son passé, sans l'oublier, parce que ça fait partie, et c'est ça l'expérience, hein. L'expérience, c'est bien les erreurs que tu as fait, sers-toi de tes erreurs, reconstruis ta vie, et le reste, tu le laisses de côté, sauf quand on a besoin, hein. Voilà, et c'est pas nécessaire de vivre toujours constamment avec cette tristesse et ces trucs comme ça, la vie est bien trop belle. Voilà. Eh bien, Denis, j'espère, dis-le-moi là maintenant. Franchement, enfin, moi, je vais venir vous redire bonjour d'office et j'ai envie de suivre l'histoire. Est-ce que tu serais d'accord de continuer l'histoire, de rediscuter, je sais pas moi, dans 3 mois, 4 mois, de ce projet fou ? Ben, tant qu'on sera ici, tu es la bienvenue. Tu peux même camper, tu peux venir t'installer, tu peux venir avec une amie ou ça fait plaisir aux copains en plus. Et t'es le bienvenu. Et j'espère que, enfin, je vais pas dire j'espère parce que espérer serait déjà un doute, mais je dis simplement que tant qu'on y est, tant que je dois pas me battre autrement, et si on me permet d'aller jusqu'au bout, je vais construire ici et il y aura des jardins qui vont se faire et qui vont fleurir. J'ai perdu ma gonzesse hier, ma maison, ma cage et mon chien. J'ai voulu me noyer dans la bière, mais rien ne nage mieux qu'un chagrin. J'ai perdu mon job, mes amis, mon argent et tous mes petits droits. Le suicide de mon canari m'a plus flingué que si c'était moi. Y'a quoi qu'à faire que de gueuler ou faire la pute à l'aide sociale, ou prendre son petit ukulélé pour croire au rire quand ça va mal. Y'a quoi qu'à faire que de gerber tout son malheur et tout son mort quand y'en a marre d'être entubé, d'être abonné aux sœurs fatales. Quel est le prince, quel est le roi, le bon papa, le grand sauveur, le grand seigneur qui nettoiera toute la rage de nos cœurs. Oups, voilà dérapage, la petite charnière de cette chanson. Quand dans un bled, il y a de la rage, tout est prêt pour les pièges à cons. Yeah, les profiteurs de lendemain, assis sur leur fierté simpliste, profitent du blues des gens qui ont rien, avec leurs connes idées fascistes. Un monde trop beau, plein de gens purs, de l'argent pour ceux qui méritent. Plus de problèmes, plus de coups durs, et de beaux flics qui ont la frite. L'exploitation est comme une gamme, quand on a peur de s'envoler. Il y a plus que les chefs qui ont une âme, on se moutonne pour s'oublier. Moi j'ai rien dit, moi j'ai rien fait, je suis un brave type dans la ronde, j'ai tout compris, je sais ce que c'est, et c'est ainsi que va le monde. Un fatalisme gros comme ça, c'est marche ou crève, c'est bien connu. Leur foi est un suicide en soi, leur idéal n'a pas d'issue. C'est toi qui payes leur bagnole, ton esclavage et leur richesse. Le fric que tu fous dans l'alcool engrosse leur banque à fond la fesse. Adolphe, Benito, Jean-Marie ont exploité les mêmes formules. Y'a rien à faire, faut que j'en ris. Derrière le drame, y'a le ridicule. Y'a pas de solution finale, de capital qui aide les gens, de prince délivrant du mal, de bon Dieu dont tu es l'enfant. Y'a pas de paradis en haut, ni d'enfer quand tu es sur terre. Y'a pas de gloire à être salaud, ni de victoire à faire leur guerre. Alors arrête de gémir, de pleurer sur la fin des temps, de croire qu'il n'y a pas d'avenir, sauf de te flinguer pour leur argent. Il nous faut retrouver nos frères, ceux qui comme nous se sentent lourdés. Ensemble on vit moins la misère, ensemble on peut se décider. Du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, il y a un monde à conquérir, avec tout l'espoir qui nous reste, et nos gamins et leur avenir. Foin des propagandes ricaines, foin des mensonges et traditions, ce discours n'appelle pas la haine, c'est le temps d'une transformation, ou d'une révolution. Oh, d'une révolution. Ce baratin est invendable, mais je ne le crois pas dépassé. Il vivait bien dans mon cartable et maintenant il s'est envolé. Comme une chanson d'espoir. Comme une chanson d'espoir. Comme une chanson d'espoir. Comme une chanson d'espoir. La la la la. Voilà, micro ouvert, c'est terminé. Et on se retrouve la semaine prochaine. Dire bonne chance à Denis Huvier là-dessus, sur son terril, quoi, avec ces personnes sans abri. Franchement, je trouve. Allez, on est avec lui et on refait un micro ouvert dans quelques mois pour voir si, s'il va pouvoir réaliser son projet. Voilà, ciao. Thank you.